Victor Hugo. Grand âge et bas âge mêlés. Chanson pour faire danser en rond les petits enfants. Grand bal sous le tamarin, on danse et l'on tambourine, tout bas parle sans chagrin. Mathurin à Mathurine, Mathurine à Mathurin. C'est le soir, quel joyeux train, chantons à pleine poitrine, au bal plutôt que du train, Mathurin à Mathurine, Mathurine à Mathurin. Découpé comme au burin, l'arbre au bord de l'eau marine est noir sur le ciel serein. Mathurin à Mathurine, Mathurine à Mathurin. Dans le bois rôdis en grain, le magistère en doctrine, un moineau pillant le grain. Mathurin à Mathurine, Mathurine à Mathurin. Broutant l'herbe brin à brin, le lièvre a dans la narine l'appétit du romarin. Mathurin à Mathurine, Mathurine à Mathurin. Sous l'orme, le pèlerin demande à la pèlerine un baiser pour un quatrain. Mathurin à Mathurine, Mathurine à Mathurin. Derrière un pli de terrain, nous entendons la clarine du cheval d'un voiturin. Mathurin à Mathurine, Mathurine à Mathurin.